J'ai rien vu du détour dans le parc de l'aller-retour en bateau pour rester encore avec moi. Du soleil dans ton cœur, j'ai rien vu de tes sourires quand tu me voyais en courant d'air, de tes tendres pensées quand je n'étais plus là. J'ai rien vu et je suis comme un con, je te demande, j'ai rien vu de ton épuisement, le 2 novembre dans ma solitude, tes fiévreux baisers avant que vienne l'absence. J'ai rien vu que ton cœur qui se serre quand je doutais de toi, de tes projets d'avenir, nous deux ça ne pouvait pas finir. Trop moche pour voir, il n'est jamais trop tard pour demander. J'ai rien vu de tous ces messages qui répétaient ton amour, des jours où tu m'as serré très fort pour exister. J'ai rien vu de toutes ces attentions discrètes, presque silencieuses, des je t'aime à peine audibles, assourdissant de l'odeur. J'ai rien vu et aujourd'hui ça me tue. Je te demande, j'ai rien vu du bonheur qui était dans mes bras et que je laissais partir comme on accepte la mort. J'ai rien vu de ta visite imprévue, de la peur de me déranger. Ça n'arrivera jamais, même si c'est pour venir gronder. Pas de police, mais je répare ces injustices. Je te demande, j'ai rien vu, que même sans poser de questions, tu t'intéressais à moi, parfois tu t'inquiétais. J'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Et si tu écoutes cette chanson, je te demande pardon, pardon.